Pour un transport routier en toute sécurité, les autobus Véro, des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances au sabre de Roberval et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roi. Caisse Desjardins du Domaine du Roi est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres Junior 2A de Roberval. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roi, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017 aux Sabres Junior 2A. On va parler des Sabres de Roberval. C'est la dernière chronique des Sabres de Roberval de l'année avec l'instructeur-chef Jason Desjardins. Salut Jason. Salut Danny. Oui, Jason, si on y allait avec ce qui s'est passé, vous avez poussé la série à la limite. Oui, on a poussé la série à la limite, là, même si on prend de l'arrière dans cette série-là, 2-0, on l'a poussé là, à la limite au cinquième match, en emportant les matchs 3 et 4. Le cinquième match s'est peut-être pas déroulé comme on l'espérait. Ouais. Au moins, on s'est bien battu là, jusqu'à la fin. Dans le fond, es-tu content de la manière que ça s'est passé durant la série? Oui, ça c'est sûr que on a poussé à la série en 5. Okay. On aurait peut-être mérité un meilleur sort selon nous. C'est le deuxième match qui nous a fait mal là, aussi, là, le match qu'on a perdu en prolongation. C'est lui qui nous a fait le plus mal là, selon nous. Si on gagne ce match-là, on va même pas en match 5, donc 4. Okay. Je peux pas dire qu'on a mal fait ça. Là, c'est... OK. Est-ce que tu es content? Des petites erreurs. Là, qui... Ouais. Est-ce que tu es qu'on a pas gagné? Est-ce que tu es content quand même de la saison dans l'ensemble? Des sens ouais, difficiles, hein? C'est sûr que ça a été difficile en saison régulière, mais ça, on s'en attendait. Ouais. On s'en attendait parce qu'on est une équipe jeune. On a l'équipe la plus jeune. On a 16 ou 17 joueurs, là, 18 ou 19 ans là, dans notre alignement. Donc, sur 23, les autres, c'est tous des 20-21, mais il en reste 6 ou 7 là, du reste des ouais. Quand tu te compares peut-être aux Marquis, aux Aiglons qui ont pas mal plus de joueurs de 20 et 21 ans. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile comme ça. Okay. Mais c'est pas grave. On s'en est bien sorti. C'est sûr que la saison est plus difficile là, avec seulement 7 victoires. Ouais. On a connu un bon tournoi à Shawinigan. 2 victoires puis une défaite en prolongation. T'sais, on peut pas dire qu'on n'a pas bien performé là, quand c'était le temps. OK. Mais c'est quand même intéressant pareil de voir que le noyau, parce qu'il y a quand même un noyau qui va être de retour l'an prochain. Oui, c'est un très très bon noyau. Là, si tout le monde est capable de revenir, s'il n'y a personne d'autre là, qui va à l'école à l'extérieur et quoi que ce soit, là, on connaît pas l'avenir de tous les joueurs. Mais oui, on devrait avoir un excellent noyau. On perd seulement 2 défenseurs et 1 joueur d'avant pour l'année prochaine. Donc, on s'attend que notre top 6 à 8 là, à l'avant ne bouge pas. C'est sûr qu'à la défense, là, on perd 2 joueurs de 21 à la défense. C'est ouais. plus difficile, mais on risque d'avoir là, des jeunes qui poussent. Là, Anthony Gagnon là, de Chambord qui est venu remplacer cette année, qui va prendre des 21. Oui, ça va être sa première année l'année prochaine, mais il a démontré qu'il était capable de jouer dès cette année avec nous. Donc. OK. Devant le filet, tu vas être sérieux? On n'est pas de. Bon, on a encore Jeffrey qui a connu une série extraordinaire là, contre les Aiglons. Ça a seulement 18 ans. Donc, c'est sûr que c'est lui, c'est notre avenir. C'est lui qui va nous amener à la terre promise. Comme on dit, là, c'est lui qui va nous amener le plus loin. Bon. Il avait seulement 18 ans, il a connu des séries là, extraordinaires, comme je te dis. Là, il nous a tenus tout le temps, dans tous les matchs. Il nous a tenus là. OK. Il nous a donné une chance de gagner à chaque match. Là. OK. Si on parlait maintenant de ce qui s'en vient, ça s'est réglé. Au niveau du personnel d'entraîneur, toi, tu reviens l'année prochaine, j'imagine? Ben, tu sais, là, on n'a plus la confirmation encore. Nous, on sait sûr qu'on veut revenir là, avec tout ce qu'on. On a traversé. On a entamé, toutes les petites échanges qu'on a faites pour se rajeunir, pour t'sais, avoir une meilleure équipe encore plus l'année prochaine. Mm. Nous, c'est sûr, comme entraîneur, on veut revenir. Là, ça, c'est le conseil d'administration des Sabres de Harvard qui ont la décision entre eux-mêmes. Nous, c'est sûr qu'on on veut revenir, là, mais ouais. Je pense pas qu'ils nous mettent dehors. Là, je sais pas c'était quoi le plan, mais ils ont pas dit là, qu'ils voulaient nous mettre dehors non plus. OK. Hey, question. Bien qu'on va être dehors. Ouais. Question. On a annoncé un bel investissement à l'aréna de Roberval. Comment tu vois ça, le coach des Sabres? C'est toi qui es le principal locataire. Ça va être le fun? Ouais, nous, c'est de toute beauté. Là. Moi, j'étais en plus, j'avais été invité là, à la conférence de presse là, okay. Ce matin. J'ai tout vu les plans. Ça va être la plus belle aréna là, de la région, selon moi. Là, ouais. Et qu'on va avoir à Barval. Ça va faire un pied pas mal de personnes là, dans la région. Là. 11 millions, c'est quand même. Les banneux, puis c'est quand même intéressant. Ben Jason, merci beaucoup de ta collaboration tout au long de la saison. Ça fut fort agréable. Un rendez-vous le mercredi ou jeudi. Puis on en espère évidemment de la bonne nouvelle, mais normalement tu devrais être de retour. Fait que on va s'en reparler encore l'automne prochain. Yes. L'instructeur-chef des Sabres de Roberval, Jason Dejeuner.